Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Prochain point sur l'information à 8h avec le Flash Info, puis à 8h30 avec l'actualité internationale comme tous les jours dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le site. 7h35, le grand témoin avec Louis Dauphren. Le grand témoin, Louis Dauphren. On le sait bien, le pape François fustige ce qu'il appelle la tyrannie de l'argent. Mais au-delà des mots, sait-on précisément ce que recouvre la cupidité ? Il ne suffit pas de dire que le capitalisme financier est un système prédateur. Encore faut-il en étudier les rouages, mais ceux-ci sont extrêmement opaques. Alors justement, j'ai fait appel ce matin à une comptable, Héloïse Benhamou, qui a mené l'enquête dans plusieurs environnements financiers. Et elle se plaît à montrer comment les dépôts bancaires, les cotisations sociales et les avantages sociaux des Français sont massivement volés par les banques, je la cite, avec la complicité absolue des politiques. Alors on verra si ce sera un sujet de la campagne présidentielle, voire de la campagne des primaires de la droite et du centre, cette question du racket par les banques. Le bandit Al Capone d'ailleurs, que vous citez, Héloïse Benhamou, avait dit « Le capitalisme est le racket légitime organisé par la classe dominante. Bigre. Alors essayons d'aller plus loin. » Bonjour Héloïse Benhamou. Bonjour. C'est vous qui avez trouvé la phrase d'Al Capone juste que je viens de citer à l'instant. Je l'ai reportée, oui. Ouais. Il l'avait dit à une occasion particulière. C'est une citation qu'il avait employée pour justement qualifier ce système que j'explique dans le livre. Kleptocratie française. Kleptocratie française, justement, où finalement, les gens qui nous gouvernent avec les banques participent à la spoliation, finalement, de la population à grande échelle. Mais c'est très méchant, ça. C'est-à-dire ? Ce n'est pas bien. De spolier les gens, non, ce n'est pas très bien. Mais c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Et puis, j'explique dans le livre comment est-ce que tout ce système-là est organisé, parce que c'est quelque chose qui est collectif. Donc il y a la participation des gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite ou de gauche, et qui sont soumis à la finance internationale. Et les institutions de l'État, aujourd'hui, servent finalement à spolier la population, oui. Alors, premier élément pris dans l'actualité, et puis on va remonter aussi le fil de votre enquête. Le premier élément pris dans l'actualité qui m'avait donné l'idée justement de prendre contact avec vous, c'était la loi Sapin 2, le projet de loi Sapin 2 qui avait créé la possibilité de temporairement limiter les retraits sur les contrats d'assurance vie. On en avait parlé il y a quelques semaines et qui déjà en quelque sorte allumait un petit signal quand même pour l'épargnant. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme interprétation ? On arrive simplement à l'essoufflement de ce système-là, que les hommes politiques qui nous gouvernent en ont bien conscience et qu'ils se préparent à certainement des faillites bancaires, parce qu'on a vu quand même que la Deutsche Bank est en situation extrêmement difficile. Juste derrière la Deutsche Bank, la Société Générale et aussi BNP Paribas sont dans des situations dramatiques du point de vue de leur bilan comptable. Donc il y a des faillites qui sont à prévoir. Et le gouvernement, le sachant, est en train d'anticiper ces phénomènes-là en empêchant les épargnants de pouvoir retirer leur argent. Et il y a maintenant une quasi-obligation pour les banques commerciales de déposer l'argent des déposants auprès de la banque centrale, avec des taux d'intérêt négatifs. Donc les banques doivent payer pour ça et elles répercutent ça sur des frais pour leurs clients. Donc tout ceci va dans le sens de ce que je développe aussi dans le livre, c'est qu'on arrive à un essoufflement du système. Et que pour pallier à ça, les personnes qui nous gouvernent mettent en place des lois qui sont finalement liberticides et qui vont empêcher à terme les épargnants de retirer leur argent. Donc l'idée, c'est que l'argent, en fait, doit permettre de nantir les défaillances des banques. Ce qu'on a vu après les deux crises qu'il y a eu en 2008 et en 2010, la crise sur les subprimes en 2008 et la crise des dettes souveraines en 2010, c'est qu'évidemment, oui, on ne peut pas laisser tomber les banques. Parce que laisser tomber les banques, c'est la fin de la paix sociale et puis c'est la fin de l'économie aussi. Donc il va falloir renflouer les banques, effectivement. Il va falloir les recapitaliser encore une fois. Mais pour peu qu'il y ait l'argent suffisant. Si le système ne change pas, oui. Pour peu qu'il y ait l'argent suffisant aussi, oui. Parce qu'au bout d'un moment, les gens ne pourront plus payer. Alors Chypre, ça nous guette en fait, ça nous pend au nez. C'est une forme de chypriotisation, oui, tout à fait, pour les Français, oui. On est dans l'espace européen pourtant à Chypre. Oui, mais tous les pays de l'Union européenne sont concernés. Il y a des pays du sud de l'Europe, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, qui ne se remettent toujours pas des crises qu'elles ont connues après 2008-2010. Donc ça, c'est vraiment un scénario dont on ne parle pas et qui pourrait avoir lieu, ou ça reste encore quelque chose, j'allais dire, d'assez lointain. Non, non, non. Est-ce que c'est une perspective envisageable à court terme ? C'est ce qu'on observe avec les lois qui sont votées. Mmh. Et puis la politique de la Banque Centrale Européenne également, avec les taux négatifs. Et puis le fait qu'elle absorbe en ce moment l'ensemble de l'argent des épargnants dans les banques commerciales, oui. Donc si on veut retirer son argent, c'est plus difficile. Ah oui, bien sûr, oui, c'est de plus en plus difficile. Et puis peut-être aussi qu'on est en train de muter vers un autre système monétaire où il n'y aura plus de liquidité comme on le connaît maintenant. C'est possible aussi, oui. C'est-à-dire qu'on passera à une monnaie qui sera complètement virtuelle. Donc ce que j'explique dans le livre, dans un premier temps, c'est comment est-ce que ce système est organisé. Finalement, maintenant, les liquidités sont très faibles et l'essentiel de la masse monétaire correspond à des compensations entre les agents via des chambres de compensation. Donc c'est possible qu'on migre aussi vers un autre système monétaire. Alors là, ça devient un peu technique, Eloïse Benhamou. Expliquez ce qu'est une chambre de compensation et vers quel système monétaire on peut aller pour que ça reste concret. C'est qu'à partir des années 80, la monnaie a été essentiellement dématérialisée. Donc ça ne correspond plus seulement aux billets que vous pouvez avoir dans votre porte-monnaie ou aux moyens de paiement traditionnels qu'on pouvait connaître. Tout se passe par virement ou alors... C'est un rapport de 90-10 même. Hein, oui, tout à fait. Entre les liquidités et la monnaie virtuelle. Voilà, oui. Donc oui, c'est possible aussi que le système évolue de toute façon par rapport aux événements qu'il subit. Alors, on va voir un peu qui vous êtes et puis on va s'interroger sur l'ampleur de cette kleptocratie française puisque ça suppose que vous avez une sorte, je ne sais pas, de minorité prédatrice qui spolie tout le monde, ce qui est quand même une accusation extrêmement grave en soi. Hein. Mm-hmm. Donc, on va voir un petit peu ce que ça recouvre. Vous êtes né en 87 à Évry et avant d'intégrer un cabinet d'expertise comptable, vous avez intégré une école de commerce, 2 années au sein d'une banque. Vous découvrez alors le monde des investissements, mais vous êtes loin d'imaginer que vous allez publier un livre sur justement cette kleptocratie française. Marion Duchesne. C'est parce que je m'inquiétais de savoir où allait l'argent de mes clients que j'ai commencé à enquêter sur le régime social des indépendants, raconte Eloïse Benhamou. Rapport de la sécurité sociale avec les banques, système de gestion détournant l'argent des contribuables, complicité plus ou moins tacite des politiques. La comptable démontre notamment comment nos cotisations sociales enrichissent les banquiers étrangers. C'est dans ce contexte que j'ai étudié de plus près l'affaire Kerviel. J'ai réalisé qu'il n'avait pas perdu l'argent de la société général. Durant 1 an et demi, Eloïse Benhamou rencontre des comptables, des personnalités politiques, des avocats, dont certains préfèrent garder le silence. Elle met en exergue des informations légales et publiques, mais il reste beaucoup de choses cachées, reconnaît-elle. En attendant, dans Kleptocratie française, Eloïse Benhamou cherche à dénoncer un lourd système jamais mis en lumière, alors dit-elle que l'on tape très souvent et plus facilement sur les profiteurs de la carte vitale, des allocations chômage ou encore des arrêts maladie. On fait croire aux gens que tout cela est complexe. Ce n'est pas vrai, répète Eloïse Benhamou. Tout le monde peut comprendre comment cela s'articule. L'objectif de la comptable est donc bien d'alerter. Au bout d'un moment, lorsque les gens ne pourront plus payer et alimenter cette dynamique, le système va se rompre, conclut Eloïse Benhamou. Ce sera alors une crise sociale très grave. Reste à savoir, bien sûr, quand on va arriver à ce point de rupture, c'est tant est qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour qu'on arrive à ce point de rupture, au moment où les gens ne peuvent pas payer? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous permettre d'anticiper ce moment? Je pense qu'on est tous témoins aussi de ce qui se passe. On voit très bien qu'il y a des entreprises qui font faillite, qu'il y a du chômage de masse qui est en train de s'installer en France. Ça fait longtemps déjà. Oui, mais je pense que là, la conjoncture est quand même très différente et que quand on voit les propositions des différents candidats, c'est pas ce qui va permettre de résoudre les problèmes à court terme. Donc après, c'est vrai que le système évolue, c'est difficile de donner un terme à tout ceci, mais ça va être assez imminent. Qu'est-ce qu'il faudrait comme condition aujourd'hui pour qu'on arrive à cette idée que le système va se rompre ? Que les gens ne puissent plus financer et alimenter la dynamique qui lui permet de fonctionner. C'est-à-dire que, par exemple, quand il a fallu recapitaliser les banques, ça a eu comme incidence directe une augmentation des impôts, parce qu'à ce moment-là, la conjoncture était différente. Si ça arrivait aujourd'hui, ça créerait encore plus de difficultés pour les entreprises et encore plus de chômage. Donc, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte par rapport à la situation qu'on peut avoir actuellement. Alors, vous dites que le système est très simple à comprendre, mais c'est pas si simple que ça, je trouve, non ? Je ne pense pas. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors d'abord, d'un point de vue global, à partir de 1992, on a complètement décentralisé la politique monétaire au niveau de l'Union européenne et à la Banque centrale européenne. C'est Maastricht. C'est Maastricht, en effet. Et à partir de là, ça a été impossible finalement pour les pouvoirs publics de mettre en place des politiques publiques performantes, puisque tout a été décentralisé et se décide au niveau de l'Union européenne. Donc c'est déjà un premier problème. Et ensuite, le fait que les banques soient privées ne participe pas non plus à ce que les personnes qui nous dirigent et qui aient envie de mettre en place des politiques puissent faire, puisque tout est maintenant concentré dans le système bancaire et financier. Donc les politiques n'ont plus la main ? Non, absolument pas. Il n'y a plus de marge de manœuvre pour eux pour pouvoir agir véritablement sur les performances économiques. Mais expliquez-nous comment, puisque quand même vous supposez qu'il y a un système, la kleptocratie, quand vous êtes kleptocrate, c'est que vous spoliez les gens. Comment est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui qu'elles sont spoliées alors qu'elles ne le savent pas apparemment ? Elles ne le savent pas parce que tout ceci n'est pas présenté forcément dans les médias. Mais il n'y a qu'à observer toute la masse monétaire qui va s'échouer dans la finance internationale pour comprendre que cet argent-là vient des cotisations des personnes qui nous écoutent ou alors des impôts et est perdu dans des opérations frauduleuses ou des crises. Donc les cotisations, mais il faut faire le lien, il faut que vous fassiez le lien, Eloïse Benhamou, entre les cotisations que paie le salarié sur sa feuille de paie, voilà. En quoi est-ce que ça va terminer ? Est-ce que ça enrichit un système qu'il ne maîtrise pas et qui va se retourner contre lui, contre ses propres intérêts, en fait ? C'est l'exemple que je prends dans le cadre de la Société Générale, par exemple. Parce que finalement, il y avait des sociétés de cette banque qui faisaient de la gestion de fonds pour des caisses de retraite. Cet argent-là a été perdu dans la crise financière et il n'y a eu aucune procédure qui a permis de mettre en cause la responsabilité pénale des dirigeants. Il y a beaucoup d'argent qui a été perdu. Et encore une fois, il a fallu... De mauvais placements, en fait, c'est ça ? Oui, de mauvais placements. Mais ce qui s'est avéré, parce qu'il y a eu des aides qui ont été faites par l'AMF, c'est que la gestion dans ces sociétés-là n'était pas bonne, qu'ils ne respectaient pas les procédures et qu'ils ont volontairement propagé la crise au sein de ces filiales-là. Donc c'est aussi à ça que nous sommes confrontés. C'est qu'ils ont volontairement, sciemment, propagé la crise à l'ensemble du groupe. Et ensuite, il a fallu recapitaliser la banque. Voilà, donc c'est aussi ça. C'est aussi de cette manière-là que les cotisations se perdent. C'est qu'on les confie à des banques dans lesquelles on devrait pouvoir avoir confiance. Et puis finalement, après, on apprend Mais on les confie de notre propre chef. Puisque c'est bien le contribuable ou le citoyen qui place son argent lui-même, il est responsable. Non, parce que là, dans ce cadre-là, par exemple, si on vous prend la moitié de votre revenu via des caisses de sécurité sociale... Ça, d'accord, c'est un prélèvement autoritaire. Voilà, donc à ce moment-là, les salariés, par exemple, ne savent pas forcément que leur argent est en train d'être géré à la Société Générale. C'est les pouvoirs publics qui ont décidé qu'il y aurait une minorité de banques qui serait chargée de gérer les finances publiques. Il y en a combien ? Il y en a à peu près une quinzaine, que je les nomme dans le livre, qu'on appelle les spécialistes en valeur du trésor, mais qui gèrent aussi les comptes pour les placements pour la sécurité sociale. Et donc ce sont des banques françaises, mais aussi étrangères, comme Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Barclays, la Deutsche Bank. Ce sont toutes ces banques-là qui sont chargées de Donc qui gèrent autoritairement nos économies. Voilà. À travers les finances publiques, elles gèrent autoritairement nos économies, puisque les économies sont placées par... sans que le contribuable le sache nécessairement. Oui. Et d'un côté, c'est ce qui empêche aussi les poursuites. Parce que ce que j'explique, c'est que dans la délinquance financière, il y a une telle distanciation entre les coupables et les victimes qu'il n'y a pas forcément de procédure qui s'ouvre. Aux États-Unis encore, c'est un peu plus dans les esprits. Donc il y en a quand même. Mais en France, très peu, voire pas du tout. Qu'est-ce qui vous a alerté, vous, sur la réalité de ce système ? Ça a commencé, donc moi comme je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, au quotidien j'observe ce qui se passe pour nos clients et je remarquais qu'il y avait beaucoup de difficultés avec l'organisme qui gère les cotisations pour les indépendants, qui s'appelle le RSI. Et c'est ce qui a commencé un petit peu à me mettre la puce à l'oreille parce qu'on demande aux gens de payer des montants très importants, on leur prend plus de la moitié de leurs revenus et sans qu'ils soient pris en charge derrière pour ce qui est de la maladie et les retraites sont très très faibles, on parle de quelques centaines d'euros une fois qu'ils arrivent à la retraite et maintenant il y a beaucoup de dysfonctionnements, de problèmes où on réduit les pensions sans justification. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis je me suis rendu compte assez rapidement que les comptes du RSI n'étaient même pas certifiés par les commissaires aux comptes depuis la création en 2006 et que le calcul des cotisations n'était pas légal. Et pourtant, le conseil d'administration du RSI est présent à la tête du RSI depuis le tout début, sans encore une fois que quoi que ce soit ne soit fait grâce à la bienveillance des gouvernements Et il en va de même pour les commissaires aux comptes. Mais ça, c'est un scandale qui n'est pas si opaque que cela, parce que le RSI, ça a fait l'objet de manifestations, ça a fait l'objet de contestations très fortes. Oui, oui, oui. Voilà. Ça concerne les indépendants. Donc, on prend une part très importante de votre salaire, et puis vous en avez, à l'arrivée, vous en avez très peu. Oui, du revenu, oui, oui, on prend plus de la moitié du revenu, et puis à la finale, on vous donne presque rien. Sans que vous ayez quoi que ce soit à dire. Mm-hmm. Voilà. Mais très peu de personnes savent que le RSI est privé et la manière dont il est géré. Et les gens pensent pour la plupart du temps que la sécurité sociale est du domaine public, que c'est très contrôlé par l'État. Par des organismes privés. Oui, que c'est très contrôlé par l'État et que tout ceci fonctionne contrôlé par la Cour des comptes. Mais c'est pas forcément le cas. Alors c'est vrai, au-delà du RSI, c'est vrai pour tous les organismes qui gèrent la redistribution. Qu'ils soient privés. Les URSSAF sont également privés. Et ensuite, dans le cas du régime général, la caisse qui s'occupe des placements est publique, mais il n'y a pas de contrôle dessus, ni par des commissaires aux comptes, ni par la Cour des comptes. Donc il n'y a aucun contrôle. Il faut savoir que la caisse d'amortissement de la dette sociale, donc, qui gère les emprunts de la sécurité sociale, et pour lesquels la Cour des comptes estime qu'elle devrait atteindre en 2018 260 milliards d'euros, et dont les placements se font souvent dans des paradis fiscaux, il n'y a aucun contrôle dessus. Donc l'État place son argent dans les paradis fiscaux. Oui, mais bien sûr. Mais il y a eu un papier qui a été fait par le Canard Enchaîné cet été où il disait qu'effectivement tous les directeurs de caisses de retraite s'étaient retrouvés au Panama. Donc oui. Ça, c'est une réalité qui est vérifiable. Oui. Alors le fait que ce soit comme ça, c'est-à-dire que ce soit des organismes privés qui en fait gèrent la question de la redistribution qui est éminemment publique. Ça, d'où ça vient en fait, cette réalité-là, Héloïse Benhamou? Comment est-ce que ça s'est instauré, ce système? Ça s'est instauré avec la création de tout ce système bancaire qui a été décentralisé au niveau de l'Union européenne, donc à partir pour moi, de 1992, où on a décidé donc de la création de l'euro et de l'indépendance totale des banques centrales vis-à-vis de leur gouvernement, où les gouvernements n'auraient même pas à pouvoir s'ingérer dans la politique des banques centrales, de la Banque centrale de l'Union européenne et des banques centrales nationales. Donc ça a commencé à partir de ce moment-là. Parce qu'après, une fois qu'on a donné tous les pleins pouvoirs aux banques privées pour gérer les finances publiques, bah, évidemment, elles font du profit. Elles font du profit. Et il y a là un conflit d'intérêts entre les intérêts des banques à faire des bénéfices et l'intérêt général qui est la redistribution des ressources. En quoi ça met en péril la redistribution, le système équilibré de la redistribution? Parce qu'avec le système des intérêts qui sont payés, donc dans le cadre de la dette de l'État, l'ensemble de l'impôt sur le revenu est payé à des créanciers. Et tout cet argent-là, et dans le cadre de la caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est 30 milliards d'euros qui ont été payés pour les créanciers. Donc tout ceci, c'est de l'argent qui s'échappe et qui se concentre finalement. Et qui n'est plus redistribué dans l'économie pour financer des investissements et d'autres choses. Donc la population s'épuise à payer des intérêts à des créanciers. Voilà, et c'est contre-productif. Ça, c'est valable dans toute l'Union européenne ? Dans toute l'Union européenne, le système est le même, je pense, oui. Et donc forcément, ça entraîne un appauvrissement ? Une paupérisation, oui, de la population. Donc la paupérisation, vous faites le lien direct entre paupérisation et ce système prédateur de gestion privée des biens publics. Tout à fait. Alors, qui aujourd'hui, dans l'espace politique, souligne ces questions-là? Est-ce que vous êtes, vous, avec vos 10 doigts de comptable, si je puis dire, et puis l'expérience, mais parce que vous êtes jeune quand même, donc j'imagine que vous avez pu vous appuyer peut-être, est-ce qu'il y a des personnes qui prennent conscience? Il y a quand même des organismes, des associations qui se... Oui, il y a des associations, notamment... Qui s'indignent d'une certaine façon. Surtout s'agissant du régime social des indépendants, il y a des associations qui font un gros travail dessus pour justement dénoncer ce système-là. Maintenant, au niveau politique, je ne trouve pas qu'il y ait de personnalités qui prennent à bras-le-corps le problème. On en parle un petit peu, mais il n'y a pas de réforme de prévue pour l'instant pour le régime social des indépendants. Emmanuel Macron parlait l'année dernière, je crois, de rattacher le régime social des indépendants au régime général, mais on n'en parle plus du tout aujourd'hui. Mais est-ce que le régime général est géré différemment? Le régime général est géré différemment, oui. De quelle manière? Le régime général, à part les URSSAF qui sont privés, est quand même très bien contrôlé par l'État. Le régime général prend mieux en charge les prestations pour les salariés. Donc oui. Donc il y a quand même des choses. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un audit de la caisse d'amortissement de la dette sociale pour savoir exactement ce qu'il y a dedans et quels sont les montants des emprunts qui ont été faits. Ce qui, je pense, n'arrivera jamais. Mais il faut savoir, effectivement, si, ça permettrait de savoir si le régime général peut supporter la situation du RSI. Alors ça, c'est une question sur la technique à laquelle on ne peut pas forcément répondre comme ça. Oui. La question qui est politique, c'est à qui revient en fait la décision aujourd'hui d'influer sur ce type de système, sur la façon dont ce système est organisé? Les pouvoirs publics se sont complètement déchargés de leurs obligations à l'égard de la nation à partir du moment où Maastricht, de toute façon, c'est ce que je rapporte dans le livre, le discours de Philippe Séguin, qui dit très bien que... qui avait pris la mesure de la décision de l'époque. Oui, que Maastricht, c'est du fédéralisme au rabais. Donc en fait, on est quasiment dans un État fédéral, mais sans structure institutionnelle. Mais finalement, tout se décide au niveau de la Banque Centrale Européenne et des institutions de l'Europe. Oui, mais dans quelle mesure? Parce que c'est pas la décision, ce n'est pas la Banque Centrale Européenne qui décide de la kleptocratie, du système kleptocratique quand même. Bah, tout ceci se coordonne avec les banques centrales, les banques centrales nationales et les banques commerciales. Si. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des banques et de la monnaie dans une économie. Aujourd'hui, on le sous-estime, ce pouvoir? Bah, je trouve, oui. Parce que comment est-ce qu'on peut décider de politique publique si on n'a pas la main sur le système monétaire? Alors, le système monétaire, il est centralisé à l'échelle de l'Union européenne. Vous diriez, par exemple, qu'il faut faire le grand saut vers un fédéralisme assumé? Ah non, pas du tout. Je ne dis pas que ce serait une bonne chose. Sauf que là, on est dans une situation intermédiaire où, au niveau national, il n'y a plus de marge de manœuvre. Et au niveau de l'Union européenne, il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Il faut savoir que même les directives qui sont prises par l'Union européenne sont d'application directe en droit interne. Donc, on est dans une situation intermédiaire qui est assez dangereuse. Et il y a des personnes qui pourraient agir au niveau national, mais il faut qu'il y ait une volonté politique. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Quand vous dites qu'il y a une complicité, on va s'arrêter dans une trentaine de secondes, mais quand il y a une complicité absolue du système politique, ça veut dire que vous dites tout le monde mafieux, quoi. Alors, c'est quand même extrêmement grave. Les gouvernements ferment les yeux, oui. Il y a une bienveillance, on le voit avec le cas du RSI. Et puis, comment est-ce qu'on peut accepter que la caisse d'amortissement de la dette sociale fasse des emprunts aussi importants sans aucun contrôle? Alors écoutez, on va détailler tout cela, on va revenir aussi là-dessus. Sur ce que vous nous dites, Héloïse Benhamou, juste après les infos, on va laisser Flora Cortès et puis le père Jean-Marie Cresma juste avant. Et puis on se retrouve après 8h. ADF Bayard Musique vous présente un extrait du nouvel album de Laria Lacrimée Consort, Haydn, les trios d'amour. Vous y découvrirez les trios de Haydn enregistrés sur les instruments d'époque. Retrouvez l'album Haydn, les trios d'amour de Laria Lacrimée Consort chez tous les libraires disquaires et sur le site adf-bayardmusique.com. Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linges de maison ou tout objet de collection? La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptant. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelet. Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Des écrivains passionnés de la parole de Dieu vous accompagnent tous les dimanches dans le nouveau Missel 2017, édité par Bayard. En librairie, retrouvez ce compagnon de prière au format poche et au beau papier Bible à 9 euros. Radio Notre-Dame. Chers amis, bonjour. Silence et intériorité, voilà les deux mots qui me semblent importants pour introduire la semaine que nous allons passer. Silence et intériorité. Énorme défi pour nous aujourd'hui. Car le silence, il est quasiment impossible dans notre monde si nous ne sommes pas vigilants. Et l'intériorité encore plus, puisque notre monde nous mobilise. Et d'ailleurs, on voit bien combien aujourd'hui le syndrome des tablettes ou des téléphones portables nous empêche toute intériorité. Parce que dès que nous avons du temps, nous sommes tentés de regarder nos appareils qui vont bien évidemment nous mettre malheureusement trop souvent dans l'imaginaire. Ce défi, nous avons à le relever. Et je m'appuie sur le psaume 50 qui nous invite à découvrir que seul le silence nous permet de découvrir combien nous pourrions apprendre la sagesse. C'est-à-dire, il y a des conditions de possibilité pour rentrer en relation avec Dieu, et cela implique silence et intériorité. Merci Père Jean-Marie Crespin. Excellente matinée, nous sommes le lundi 24 octobre. Très heureux de vous retrouver si jamais vous ouvrez l'œil à l'instant. Excellente matinée en présence d'Héloïse Benhamou, qui est comptable et qui a enquêté dans divers environnements financiers sur ce qu'elle appelle la kleptocratie française. Alors ça va loin, ce sont les dépôts bancaires, les cotisations sociales, les avantages sociaux des Français qui sont, paraît-il, volés par les banques. Alors on va essayer d'en savoir plus. Bonjour à tous. Les affrontements ont repris à Alep entre les forces du régime syrien et les rebelles au lendemain de l'exil de quitter les quartiers est où vivent quelques 250 000 personnes. Mais malgré la situation catastrophique mise en place par l'armée russe durant la trêve, sont restés déserts. Au final, seuls 8 combattants blessés, 7 civils auront quitté le secteur rebelle. L'ONU comptait profiter de cette trêve pour évacuer les premiers blessés vendredi, mais a annulé ses opérations faute de conditions de sécurité suffisantes. À 2 semaines de l'élection présidentielle américaine, Hillary Clinton, qui a encore accru son avance dans les sondages face à Donald Trump, sillonne les États-Unis clés, les États clés où elle tente de consolider son avance. Selon une enquête ABC News publiée dimanche, la candidate démocrate qui espère devenir la première présidente de l'histoire des États-Unis obtient 50% des intentions de vote, son score le plus élevé depuis le début de la campagne, contre 38% pour l'homme d'affaires de New York. Le Parti socialiste d'Espagne a décidé dimanche de laisser le conservateur Mariano Rajoy former un nouveau gouvernement et de mettre ainsi un terme à la paralysie politique en évitant des troisièmes élections en un an. Les délégués du comité fédéral du Parti socialiste réunis à Madrid ont donc décidé à une large majorité de s'abstenir lors du vote de confiance pour permettre à Mariano Rajoy, au pouvoir depuis fin 2011, de former le prochain gouvernement minoritaire cette fois. En France, le démantèlement total de la jungle de Calais a commencé vers 6h, marquant le départ de cette gigantesque et complexe opération d'évacuation de plusieurs milliers de migrants qui vont rejoindre par autocar des centres d'accueil partout en France. Une centaine de Soudanais et d'Érythréens, des hommes principalement, se sont présentés avec des valises devant le hangar servant de quartier général à l'opération, présentée comme humanitaire par le gouvernement. Au total, de 6 à 8 000 migrants doivent être acheminés par car dans des centres d'accueil spécifiques durant toute cette semaine. Des journalistes d'Itélé en grève depuis lundi ont réagi avec colère samedi en constatant qu'une partie des bureaux de la chaîne d'info avait été déménagée pour faire place à l'arrivée de la rédaction de Direct Matin, également propriété de Vincent Bolloré. Les salariés d'Itélé ont décidé massivement vendredi de reconduire leur grève jusqu'à lundi et réclamer au gouvernement la nomination d'un médiateur pour sortir du blocage. Le ministère de la Culture ne s'était samedi toujours pas exprimé sur cette demande. Enfin, plus d'un tiers des actifs utilisent chaque jour leur outil numérique professionnel en dehors du temps de travail et 62% en réclament une régulation, dont une très large majorité de cadres. Ce sont les résultats d'une étude publiée ce matin par le cabinet Eleas, spécialiste dans la prévention des risques psychosociaux. Le grand témoin, Louis Dauphren. Et je vous propose à présent d'écouter l'éditorial de Gérard Leclerc. Vous savez, c'est la déprime des prêtres. C'est un tabou, nous dit le Parisien. Mais Gérard Leclerc, lui, en parle évidemment à sa manière. C'est son éditorial. Dans Le Parisien d'hier, un titre vraiment inattendu à la une. Ces curés qui craquent. Il y a quelques jours, en Bretagne, un prêtre a tenté de se suicider. Notre enquête sur un autre tabou de l'Église catholique, on peut s'étonner d'un tel titre alors que l'actualité, notamment internationale, justifierait d'autres choix. On pense évidemment à la bataille autour de Mossoul en Irak ou à la reprise des combats à Alep en Syrie. Mais il faut croire que le suicide d'un prêtre a de quoi émouvoir l'opinion. Le Journal du Dimanche consacre aussi un article à l'événement. Fort heureusement, le contenu des deux articles n'a rien d'outrancier. Il met l'accent sur la surcharge qui pèse sur les épaules de nos prêtres en nombre insuffisant sur le territoire et donne la parole à des supérieurs bien conscients de la difficulté. Oui, il est vrai qu'on demande beaucoup trop aux prêtres qui ne sont pas des surhommes et qui souffrent comme leurs semblables et ne sont pas exempts de crises de dépression. Je me permettrai toutefois d'objecter qu'il est très délicat d'analyser un cas particulier qui relève de l'écoute d'un spécialiste et de l'amitié de ses familiers. Les médias s'autorisent souvent des intrusions dans la vie personnelle en ce qu'elle a de plus intime. Ce n'est pas sans risque, surtout lorsqu'on s'érige en tribunal. Ce n'est pas le cas ici. Je note toutefois qu'il est hasardeux de traiter d'un cas dont on ignore à peu près tout, les proches de l'intéressé déclarant que rien n'annonçait un tel désarroi chez ce prêtre. Comment dès lors tirer des conclusions générales ? Le journaliste du Parisien remarque d'ailleurs que de tels cas sont rarissimes en France. On n'en dirait pas autant du suicide des paysans, qui constitue un drame permanent et s'explique par la situation d'une profession matériellement et moralement sinistrée. Non, il n'y a aucun tabou dans l'Église de France à propos de nos prêtres. Ce n'est pas d'aujourd'hui que certains sont obligés de recevoir des soins de la part de psychologues. Il n'y a d'ailleurs pas de pathologie propre aux clergés qui souffrent des mêmes faiblesses que nous. C'est aussi aux fidèles d'être attentifs à l'équilibre et à la santé de leurs pasteurs, surtout lorsqu'ils sont menacés de solitude et d'une fatigue excessive. Merci Gérard Leclerc. Son édito donc comme chaque matin. Alors on peut être attentif aussi à d'autres choses avec Héloïse Benhamou qui est comptable ce matin. Elle est attentive à tout un système qui est kleptocratique, nous dit-elle, puisqu'elle a enquêté sur les banques qui volent massivement les cotisations sociales, les avantages sociaux des Français, avec la complicité absolue des politiques qui font des placements donc hasardeux et de sorte que nos économies s'envolent dans la spéculation. C'est un peu cela, si je dois résumer, Héloïse Benhamou. Très bien résumé, oui. Et que tout a été fait pour que ça se passe comme ça. Vous citez Philippe Séguin dans son célèbre discours « Non à Maastricht » dans lequel il avait tout prévu. 92 et littéralement l'anti-89. On sait l'importance qu'il accordait à la souveraineté, Philippe Séguin. Oui, tout à fait. Voilà 35 ans que toute une oligarchie d'experts, de juges, de fonctionnaires, de gouvernants prend au nom des peuples sans en avoir reçu le mandat des décisions dont une formidable conspiration du silence dissimule les enjeux et minimise les conséquences. C'est vrai que ce discours, quand même, était tout à fait marquant juste avant Maastricht, qui est passé à une très très courte majorité. Alors, vous qui faites votre première radio ce matin, Héloïse Benhamou, vous avez moins de 30 ans, vous attaquez un sujet qui est en fait énorme, parce que c'est un sujet qui enveloppe tout le système. Toutes les politiques sont même dépossédées, en fait, de la capacité d'agir. Comment est-ce que doit réagir le citoyen à votre avis ? Est-ce qu'il y a une réaction possible ? Il faut, je pense, déjà dans un premier temps s'informer, se tenir au courant de ce qui se passe pour pouvoir se prémunir de ce qui est en train d'être mis en place. Parce que comme on parlait tout à l'heure de l'assurance vie, effectivement, il y a des choses à savoir pour ne pas se laisser déposséder finalement, parce que c'est ça. On dépossède les gens de ce qu'ils ont, de l'épargne d'une vie, arriver à la retraite. On a vu ce qui s'est passé en Grèce, les gens n'avaient pas de retraite, les banques étaient fermées, ils ne pouvaient même pas avoir accès à leurs agences, à leurs fonds. Donc, on ne peut plus mettre le liquide sous le matelas, ça c'est fini ça. Non. On peut plus mettre, pourquoi pas. Dans les dredons. Non, c'est sûr que c'est pas la solution qui sauvera le système, mais si, il faut pouvoir penser à l'avenir et anticiper toutes les éventualités qu'il pourrait y avoir, si. Non, mais parce que quand on dit cela, on en a parlé à plusieurs reprises sur cette antenne, certains ont pu s'insurger en disant, mais attendez, si vous retirez vos économies, le système va s'effondrer. Donc il ne faut pas inciter les gens à retirer leurs économies. Ça ne tient que parce que les gens maintiennent encore leur argent dans le système. Oui et non, finalement. Parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'argent hein, qui s'échoue. On parle de dizaines de milliards d'euros qui s'échouent sur les marchés financiers et le système continue encore. Après, il y a des solutions qui sont à l'échelle individuelle et puis il y a des solutions qui sont à l'échelle collective et nationale. Mais au niveau individuel, il faut se tenir informé de ce qui se passe et puis il faut Mais ça veut dire quoi, se tenir informé ? Qu'est-ce que vous faites, vous ? C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme je reprends l'exemple de l'assurance vie, il y a ça, ou alors ce qui se passe avec la politique de la Banque Centrale Européenne, les taux négatifs, le fait que on observe très bien que maintenant, quand on va dans son agence bancaire pour demander à faire un retrait de même pas des montants trop importants, mais même parfois quelques centaines d'euros, on nous dit non, ou alors on nous dit qu'il faut commander avant, plusieurs jours à l'avance. Aller dans telle ou telle agence. Aller dans telle ou telle agence. Donc tout ça, ce sont des signes avant-coureurs. Oui, mais alors quand vous dites se tenir informé, mais quelle décision peut-on prendre parce qu'on ne va pas retirer ses avoirs au risque de se les faire voler si ceux-ci sont matérialisés ? Non, mais il y a des investissements qui sont quand même assez... qui sont meilleurs. Sûr ? Assez sûrs, oui, comme l'argent, l'or ou l'immobilier. Il y a des placements à faire qui sont meilleurs que de laisser son argent à la banque et puis qu'on attend d'une loi qui nous dira qu'on ne pourra pas retirer cet argent-là. Donc du coup, vous faites monter les prix de l'immobilier. Faites monter les prix de l'immobilier... Fatalement. De toute façon, fatalement, non, je ne pense pas, non. Bah, c'est-à-dire que si vous retirez votre argent et que vous le mettez dans l'immobilier, plus on est nombreux à le faire... Mais plus de personnes vont acheter de l'immobilier, plus les prix vont augmenter, oui. Voilà, c'est le risque aussi. Mais c'est ce que font les gens maintenant, hein. C'est ce que font les gens maintenant. Ça explique aussi les prix élevés de ce secteur-là, ouais, de la pierre. Ouais. Alors, Héloïse Benhamou, dites-nous, à partir de... Vous avez dit, à partir de 92, il y a eu une rupture avec le traité de Maastricht. Bon, aujourd'hui, on est engagé sur cette voie européenne. Il y a un nouveau président de la République qui sera élu en mai prochain. Je n'ose pas vous demander que, si vous étiez à sa place. Ce n'est pas tellement le sujet, mais quelle serait la bonne attitude pour que le point de rupture n'arrive pas, pour que le système ne se rompe pas? Alors, tout d'abord, ce que j'observe dans le livre, c'est qu'à cause des dérives de ce système-là, on est rentré dans des procédés qui, déjà, ne sont pas légaux, qui n'étaient pas autorisés par la loi. Comme le financement par emprunt de la sécurité sociale, ça n'était pas autorisé. Parce que normalement, les investissements de l'État doivent servir à financer des investissements. Donc, c'est ce que vous avez demandé, un audit là-dessus. Voilà. Surtout qu'en termes de sécurité sociale, ce sont les gens qui travaillent actuellement qui payent en même temps pour les gens qui ont besoin de pensions. Donc c'est pour ça que le système est extrêmement fragile et la Cour des comptes pointe son doigt là-dessus en disant qu'on est en train de créer des difficultés pour les générations qui vont suivre, mais très graves. Et la sécurité sociale aussi, c'est une condition du maintien de la paix sociale. Donc c'est pour ça que c'est très grave. Le fait que maintenant, à cause des dérives, on en soit arrivé à emprunter en marge de la légalité, ou le fonctionnement du RSI ou d'autres choses que je décris dans le livre, c'est des choses déjà auxquelles il faut pallier. Oui, mais alors, ce qu'il y a, c'est que le président de la République ne va pas dire on arrête d'emprunter tout d'un coup. Il faudrait, comme je vous dis, il faut savoir ce qu'il y a dedans, si la dette est légitime ou pas. On ne tient que par la dette. À l'heure où nous parlons, on s'est endetté déjà de plusieurs milliers d'euros. Là. On vit dans un système qui fonctionne uniquement de dette. Que ce soit pour les crédits à l'économie, auprès de banques privées, de marchés financiers, oui, tout à fait. Qui peut rompre ce cycle infernal ? Et les prestations qui sont versées maintenant sont versées à crédit. Il faut comprendre ça comme ça. Et les fonctionnaires sont même payés à crédit. Oui, tout à fait. Bon, qui peut rompre ça ? Est-ce qu'il faut le rompre ? Est-ce qu'on a une possibilité de sortir de ça ? Il faut reprendre le contrôle de la monnaie. Il faut reprendre le contrôle de la monnaie, parce que c'est révoltant de savoir que des technocrates non élus des peuples à la tête de l'Union européenne décident pour des millions de personnes. Mais ce ne sont pas les technocrates qui, en soi, font de l'argent avec nos économies. Ce que vous dites, ce sont des banques privées. Ce sont des banques privées, mais qui dirigent la Banque Centrale Européenne. On a vu le phénomène aussi Barroso qu'il y a eu. Ces gens-là sont issus de banques. Et ils retourneront dans des banques après. Donc il y a une forme de fatalité, c'est-à-dire de quelque côté qu'on se tourne, on tombe sur les mêmes interlocuteurs. Et au milieu, les politiques sont en fait des marionnettes impuissantes. Oui, et puis on voit aussi que même au niveau national, il y a des personnalités politiques après qui vont travailler dans le privé, dans des banques. Mais ça, bon, ce sont des plans de carrière individuels, vous pouvez pas les empêcher. Non, bien sûr. Mais au niveau national, il y aurait des choses à faire. Mais c'est vrai que sans contrôle de la monnaie, ça sera impossible. Que suppose le contrôle de la monnaie ? C'est-à-dire que même si on considère que les banques doivent rester privées, il faut qu'il y ait des contrôles. Et on ne peut pas accepter que les gens payent et qu'on leur prenne leurs impôts pour enflouer des banques qui se sont engagées dans des opérations frauduleuses. Donc là, il faudrait dire stop, on ne renfloue plus les banques. Si c'est pour avoir perdu de l'argent dans des opérations frauduleuses, pourquoi est-ce qu'on devrait prendre les impôts des gens pour les renflouer ? Est-ce que le système européen, Héloïse Benhamou, n'est pas beaucoup plus sûr que le système américain ? Puisque on a vu que la crise immobilière aux États-Unis, normalement, l'équivalent ne peut pas se produire en France, par exemple. Mais la fraude qu'il y a eu aux États-Unis avec la crise des subprimes s'est propagée dans le monde entier. Oui, mais les endettements, le fait de vendre... Le système immobilier tel qu'on l'a eu, le fait de vendre à des gens qui n'avaient pas les moyens des biens qu'ils ne pouvaient pas acquérir, oui. Ça, normalement, on ne peut pas l'avoir dans notre système. On a un système qui est plus régulé, qui est plus sûr. Sur les emprunts aussi. Sur les emprunts. C'est juste, oui. Oui, oui. C'est plus contrôlé. Il y avait une politique à ce moment-là de George Bush qui était de libéraliser, de démocratiser l'accès à la propriété. Et ça a dégénéré dans les dérives des subprimes, oui. Mais les conséquences ont été pour le monde entier, parce que le système financier est bien sûr totalement mondialisé. Donc il y avait une bonne idée au départ. Une bonne idée, non. La bonne idée, c'était de faire en sorte que les pauvres puissent accéder à la propriété. Oui, mais si c'est pour qu'ils soient dans des situations de surendettement, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Alors, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on est face à des institutions dont on croit qu'elles sont publiques, mais qui sont gérées par les privés, et que le politique qui est censé défendre notre intérêt ne défend rien du tout. Il y a une bienveillance de l'État à l'égard de ce système-là qui ferme les yeux, oui. Et qui ferme les yeux ? Que ce soit de gouvernement socialiste ou... Parce que c'est la gauche qui devrait être en première ligne là-dessus. Non, pas forcément, parce que le système que je décris, il s'est installé depuis un moment. Les gouvernements ont changé, mais le système, non. Il évolue, mais... Mais la rupture a eu lieu au milieu des années 80, parce que, aux alentours des années 82-83, sous François Mitterrand, et qui a fait donc muter la gauche vers cette orientation libérale européenne. Vous dites aujourd'hui qui devrait s'emparer en premier lieu de ce sujet normalement, c'est plutôt des partis de gauche. Non ? Je vois pas ça... Ou des partis souverainistes, je ne sais pas, enfin... Quel est le bon interlocuteur aujourd'hui vers qui se tourner, en fait, simplement pour que ce sujet devienne politique ? Je pense que c'est une question de bon sens, c'est pas une question de parti. C'est une question de bon sens et de volonté. Mais on observe très bien, maintenant qu'on a un gouvernement... Parce que personne n'en parle. On a un gouvernement de gauche depuis 5 ans qui s'était présenté comme l'ennemi de la finance, mais on voit très bien que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, à un moment, vous citez que François Hollande avait participé lui-même à quelque chose qu'il a... Oui, à la démocratisation. Après, pareil, suite à la crise, ils ont complètement continué à libéraliser la finance après la crise. Dans les années 80, lui-même, il avait participé. Oui, oui. Donc il a participé à ce qu'il dénonce. Oui, c'est pour ça que ce n'est pas lié à un clivage de droite ou de gauche, ou d'idée de droite ou d'idée de gauche. Je pense que ça va au-delà de ça. Et puis il faut qu'il y ait une volonté, et puis il faut qu'il y ait une marge de manœuvre pour les politiques pour pouvoir réformer ce système. Est-ce qu'on va de plus en plus vers l'idée de dématérialiser la monnaie, de supprimer même l'argent liquide un jour ? Oui, j'ai l'impression qu'on va aller dans ce sens-là. Déjà, donc il y a une très faible partie de la monnaie, comme je le disais tout à l'heure, qui représente des pièces, des billets. L'essentiel est dématérialisé, et puis toutes les opérations financières aussi se font par virement via le système SWIFT. Comment ça marche, SWIFT ? Alors SWIFT, c'est une société qui se trouve en Belgique et dont toutes les banques et tous les organismes financiers sont membres. Et la société SWIFT traite les virements pour l'ensemble du système financier finalement. Voit d'ailleurs sur ses relevés, hein, c'est marqué. Oui, SWIFT, voilà. Mmh. Voilà. Donc en fait, c'est une société qui se trouve en Belgique et dont toutes les banques et les entreprises financières sont membres. Donc société privée ? Oui, à nouveau, tout à fait. Qui gère en fait l'ensemble des flux. Oui, l'ensemble du système monétaire et financier est entre les mains de personnes privées. Alors, qu'est-ce que ça change par rapport aux moyens de pression que ça peut représenter ? Parce qu'il y a eu plusieurs pays, plusieurs États souverains qui ont été en butte à une forme d'intimidation par rapport à SWIFT. L'Iran. Qui a été déconnecté du système SWIFT. Alors, quand vous êtes déconnecté du système SWIFT, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que toutes les opérations qui sont traitées par SWIFT n'ont plus lieu. Et de même, avec la crise ukrainienne, l'Angleterre avait demandé à ce que la Russie soit déconnectée également du système SWIFT. Donc c'est une arme diplomatique. Et la monnaie, c'est ça aussi. C'est une arme de guerre économique. Donc c'est ce qui s'est passé avec SWIFT. Et puis finalement, après, on s'est rendu compte que les Américains exploitaient secrètement le réseau SWIFT pour avoir des informations sur les données des entreprises dans l'Union européenne, notamment. Au nom de la lutte contre le terrorisme. Au nom de la lutte contre le terrorisme. Et ensuite, ils ont essayé de légaliser la pratique via le Parlement européen. Donc l'accord SWIFT avait été rejeté et puis finalement, après, il a été approuvé. Donc les Américains peuvent très bien contrôler les flux qu'il y a dans le réseau et puis ce qui peut se passer entre les banques et les agents économiques dans l'Union européenne, notamment. En fait, vous savez tout dès lors que vous maîtrisez l'organe qui fait les transactions. Oui, tout à fait. Vous savez tout pour les privés et les entreprises aussi. Mais ça veut dire qu'on sait tout également quand on place son argent dans un paradis fiscal. Ça passe aussi par SWIFT ? Ça passe par SWIFT et puis par ce que j'appelais les chambres de compensation tout à l'heure. Après, le système. Expliquez la chambre de compensation. Là. Alors, la chambre de compensation, elle intervient sur différents marchés. Et par exemple, sur le marché, pour prendre un exemple simple du marché entre les banques. Donc, comme il y a beaucoup de clients qui vont faire des opérations quotidiennement, au lieu qu'entre des banques, si par exemple je dois vous faire un virement, donc moi je suis à la CG Générale et vous à BNP Paribas, et qu'il y a beaucoup d'opérations qui sont à traiter comme ça, au lieu de les passer une par une, il y a ce qu'on appelle une chambre de compensation qui finalement va centraliser tous les ordres pour qu'il y ait une seule opération qui soit faite entre les deux banques. Elle dégage un solde à la fin de la journée, par exemple, et puis il y a une seule opération c'est qui se fait. C'est pour simplifier. Mmh. Voilà, tout à fait. Les règlements, livraisons. Donc, ça veut dire, quel est dans l'armature de tout ce système, en fait, on s'aperçoit que l'information, il y a une traçabilité complète, normalement, de l'information. Oui, il y a une traçabilité complète via les chambres de compensation, via le réseau SWIFT, et puis les comptes des banques aussi, parce qu'il faut savoir que les banques ont des comptes ouverts auprès de leur banque centrale nationale. Donc, par exemple, la Société Générale ou BNP Paribas ont des comptes ouverts à la Banque de France, qui est chargée de la stabilité du système monétaire au sein de l'Union européenne. Dites-nous un peu, Héloïse Benhamou, vous qui avez aussi regardé du côté de l'affaire Kerviel, ce que vous en déduisez. Ce que j'en déduis, c'est qu'il y a une grande méprise quant à l'organisation de la banque et à ses responsabilités, que les personnes qui sont présentées comme les supérieurs de Jérôme Kerviel avaient énormément de mandats dans des sociétés qui ont été reconnues coupables de fraude par l'AMF. Et qu'il n'y a eu aucune poursuite pénale contre eux, et que finalement la banque s'est acharnée contre le salarié qui effectivement avait pris des positions non autorisées, mais que ce qu'avaient fait ces dirigeants-là était aussi très grave et qu'ils n'ont pas été poursuivis au pénal. Pourquoi est-ce que c'était grave ? C'était grave parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ont participé à la contagion volontaire de la crise, ce qui a mis en difficulté la Société Générale, ce qui a fait perdre... Contagion volontaire, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils ont transféré... donc ils avaient des actifs qui étaient pourris, à la Société Générale, en les survalorisant en plus, et ce qui a eu comme effet un impact très négatif pour la Société Générale. Et les clients, dans ce cas-là, étaient des caisses de retraite. Donc ils auraient pu ne pas le faire ? Ah, ils n'avaient pas à le faire, c'est pas qu'ils n'auraient pu ne pas le faire, ils n'avaient pas le droit de le faire. Mais ça veut dire qu'ils savaient. Il savait, bien sûr. Il savait que c'était toxique. Ah oui. Ce qui est extrêmement grave. Et donc, à l'arrivée, donc, il y a un seul fusible qui saute. Un salarié. Alors que finalement, il y a des dispositifs de contrôle qui sont à mettre en place entre les différentes sociétés qui étaient là. Il y a des personnes qui étaient nommées pour en être responsables, notamment dans la filiale FIMAT où Frédéric Oudéa était membre du comité d'audit et des comptes. Et qui finalement après a été propulsé à la présidence générale. Et que les contrôles soient effectifs ou non, ils sont responsables. Ils sont responsables, et puis à partir du moment où on confie des fonds publics à une comme la Société Générale, qu'il y ait des déficiences dans les contrôles, c'est inacceptable. Aujourd'hui, c'est une manière commune d'agir, ce qui s'est passé, est-ce que finalement c'est relativement banal ? À la Société Générale ? Oui. Est-ce que c'est un cas d'école ? Il y a des choses beaucoup plus graves aussi qui se sont passées, comme la banque Goldman Sachs qui a spéculé contre un État qui était la Grèce. Il y a des choses encore plus graves que ça qui se passent, oui. Ou alors des corners qui se font sur le continent africain où on stocke massivement des denrées, des matières premières comme le blé et d'autres pour en manipuler le cours. Oui. Vous citez d'ailleurs citez des cas du 19e siècle où on avait déjà, quand même une histoire là-dessus. Hein, oui, la manipulation du cours du cuivre, par exemple, pour faire monter. Et puis ça termine par des faillites retentissantes. Oui. En fait, le capitalisme est condamné en fait, à ces événements cycliques redoutables. Par sa cupidité, c'est pour ça qu'il faut l'encadrer. Héloïse Benhamou, est-ce que dans votre exercice, vous, de comptable, vous êtes amené à être témoin de choses comme ça ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous attendiez à cette réalité-là ? Et comment... Nous, on observe très bien ce qui se passe et qu'il y a une dégradation très rapide de la situation. Je ne m'attendais pas à tomber sur autant de dysfonctionnements et de choses graves. Mais si on observe ce qui se passe, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, nos clients se rendent compte aussi également et que les gens commencent à saturer de tout ce système. Mais ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, logiquement, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui prévient. On pourrait estimer qu'il y a un certain nombre... Il y a déjà eu des lanceurs d'alerte qui disent, voilà, le système est en péril et mettent en péril la collectivité. Et là, il n'y a pas de réponse. On a l'impression que ce sujet, je vous ai posé la question tout à l'heure, n'est pas politique aujourd'hui. Très peu politique. Seul François Hollande, finalement, en a parlé, la finance est mon ennemi, tout ça, mais de manière rhétorique. De manière rhétorique, il n'y a eu aucune action derrière. Bah, il faut du courage déjà pour remettre en cause tout ce système-là. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes derrière aussi. Il y a beaucoup d'incertitudes. On parle de revenir à des monnaies locales, à des expériences. On voit que là, on parle d'expérimenter le revenu de base. Mais tout ça, ce sont des expérimentations. Donc, il n'y a pas de certitude derrière. Une sortie de l'euro, ce serait tout à fait, ça ne résoudrait rien. Si, c'est possible que ça résolve beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que ça résoudrait ? S'il y a une sortie de l'euro organisée avec une reprise du contrôle de la politique nationale, ça serait favorable. Mais en quoi ça serait favorable ? Comme je vous ai dit, la monnaie doit servir... Ça correspondrait à une nationalisation, en fait. À une nationalisation, pas forcément. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait des contrôles. Ou une nationalisation ne serait pas forcément non plus une mauvaise chose, mais... Parce qu'on a eu, Eloïse Benamou, il y a eu des scandales terribles financiers avec des banques publiques nationalisées, on s'en souvient en France. Oui, oui, oui. Donc c'est pas non plus... Oui, oui, oui. Il faut qu'il y ait un encadrement, et puis, mais dans tous les cas, et c'est là où a été le problème de Maastricht, c'est que le traité de Maastricht était anticonstitutionnel, parce que normalement la monnaie doit servir à mettre en place les politiques publiques. Elle est indissociable de l'État. Et le gouvernement doit mettre en place ses politiques publiques sous contrôle du Parlement. C'est le rôle de la monnaie dans une économie et dans un État. En fait, tant qu'on n'aura pas résolu la distorsion entre l'État et la monnaie, cette réalité que vous décrivez continuera. Tout à fait. D'une certaine façon, avec ce faux fuyant que représente la possibilité de mettre la main sur des économies publiques alors qu'on est privé. Mm-hmm. Ça permet en fait ce jeu un peu, finalement, très opaque. Voilà, et puis ce que révèle l'affaire de la Société Générale, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Là, on est en train de rentrer dans des dérives où c'est l'impunité pour les banques et que ça va encourager toute cette délinquance. Ça sera votre dernier mot, merci. Eloïse Benamou d'avoir été les nôtres ce matin avec Kleptocratie française aux éditions du Jardin des Livres. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotredame.com. Et le